بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا بحول الله جل وعلا، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، donc on va continuer sans plus attendre sur la suite de l'histoire des jeunes de la caverne, des gens de la caverne. Et donc dans la dernière assise, la fois dernière, on avait commencé l'étude de l'explication et du commentaire de cette histoire qui est l'histoire des gens de la caverne, qui nous est relatée justement dans une immense et grande sourate et noble sourate du Coran qui est la sourate de la caverne, sourate Al-Kahf, sourate Al-Kahf. Et donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne l'histoire de ce qu'on nomme les gens de la caverne. Et la fois dernière, on avait commencé donc l'étude de cela, et on avait commencé par évoquer les mérites d'abord de cette sourate, de la sourate La Caverne, en disant qu'il est méritoire de mémoriser 10 versets de cette sourate, et on avait dit que les 10 premiers versets de cette sourate, et dans un autre récit, il y a la version, les 10 derniers versets de cette sourate, le fait de les mémoriser et de comprendre l'essence de ces versets, ben cela sera une protection contre l'antéchrist. La personne aura une protection contre l'antéchrist, comme il nous est relaté dans les hadiths qu'on avait mentionnés. Et aussi, on avait mentionné, évoqué le bienfait de lire cette sourate le vendredi, le jour du vendredi, de lire cette sourate. Et donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait évoqué dans l'assise dernière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, nous enjoint et nous exhorte justement à lire cette sourate le jour du vendredi. Et donc ça, c'était concernant les mérites, certains mérites et bienfaits de cette immense sourate, la caverne. Ensuite, on avait commencé à expliquer justement donc la cause de la révélation. On avait dit que de grands savants, de grands illustres savants, spécialistes de l'exégèse du Coran, ont relaté la cause. Et ils ont dit que c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période mécoise, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait justement les Mécois à revenir à l'unicité d'Allah, à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à délaisser l'adoration des idoles et à revenir à l'adoration d'Allah, de leur créateur unique. Alors, désemparés, les polythéistes désemparés face à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'ils étaient dénués de tout argument, ils étaient dépourvus de tout argument, et cela est l'affaire de tous les polythéistes depuis les premiers temps. Ils n'ont pas d'argument, c'est juste un suivi aveugle de leurs ancêtres. Donc leur argument est qu'ils suivent la religion de leurs ancêtres, sur laquelle leurs ancêtres étaient. Et donc ça, c'est leur argument. Donc ils n'ont pas d'argument ni de preuve concernant l'adoration de leur faux dieu et de leur fausse divinité. Donc les Quraysh, il est rapporté, désemparés face à l'argumentation et les preuves qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils décidèrent d'envoyer deux personnes, comme on l'avait relaté, en l'occurrence, il est mentionné dans le récit que ces deux-là s'appelaient An-Nadr ibn al-Harith, et le deuxième était Uqba ibn Abi Murayt. Et donc Uqba et Nadr s'en allèrent à Médine, et à l'époque on a dit qu'à Médine il y avait une communauté juive qui faisait partie des gens du livre. Et donc à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que les Arabes considéraient les gens du livre, en l'occurrence les Juifs, comme des gens lettrés, donc des gens qui avaient un savoir venant du Seigneur, venant d'Allah, du fait qu'ils avaient reçu des livres, donc ils avaient une connaissance et un savoir concernant les Écritures. Concernant les écrits et donc concernant les livres, et que eux connaissaient la description de ce prochain prophète envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils s'en allèrent justement pour aller interroger justement ces gens du livre, ces juifs qui étaient présents à l'époque à Médine. Et donc lorsqu'ils arrivèrent à Médine, ils décrivirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils firent une description de lui, et là pour demander est-ce que vraiment il avait les caractéristiques du prophète et de l'envoyé, d'Allah subhanahu wa ta'ala, que justement aussi les juifs attendaient. Donc dans leurs écrits, dans la Torah, il y avait l'information, il y avait l'annonce de l'arrivée d'un prochain prophète. Donc même la communauté juive attendait le prochain prophète et donc allait parachever justement le message des prophètes et des envoyés. Et là, comme ça nous est relaté, alors les rabbins que rencontrèrent justement ces deux polythéistes leur ont dit, pour tester sa véracité, de lui poser trois questions. En l'occurrence, ces questions, c'était la question concernant les jeunes qui ont fui, l'histoire de jeunes, une histoire étrange, et qui ont fui, donc les jeunes de la caverne, les gens de la caverne de El-Kef, et aussi concernant Dhul-Qarnayn. Cet homme qui a atteint l'Occident et l'Orient, l'Orient et l'Occident, Dhul-Qarnayn, comme il est relaté, comme il est mentionné, il est appelé dans le Coran, Dhul-Qarnayn, et aussi concernant Ar-Ruh, Ar-Ruh, ici l'âme. Donc trois questions. Ensuite, c'est les deux polythéistes revinrent à la Mecque, et donc le peuple du prophète, les Mécois, interrogèrent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans cette histoire, comme on l'a relaté, il est dit que le prophète, sallam, ensuite, ne leur a pas répondu, leur a dit de revenir le lendemain. Pourquoi? Parce que comme on l'avait stipulé, et là il y a encore une preuve hein, incontestable et manifeste, que le prophète, sallam, ne parlait pas selon ses passions, mais il parlait avec la révélation. Et il ne parlait pas sans, sur Allah, subhanahu wa ta'ala, sans avoir de savoir. Ce qu'on appelle at-taqawwul, at-taqawwul, lam yataqawwal an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et d'ailleurs, dans le Coran aussi, Allah jalla wa ala décrit le prophète comme étant celui qui ne parlait pas sur Allah sans savoir. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ce qu'on appelle at-taqawwul, le fait de parler sans science et sans argument et sans savoir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas avec sa passion, mais il parlait avec la révélation. Donc il attendit la révélation et qu'Allah jalla wa ala lui apporte un savoir. Et donc lorsqu'ils revinrent, le prophète n'avait pas reçu encore de savoir. Donc il n'a pas répondu. Et cela dura des jours. Pourquoi? Parce que même dans l'histoire, il est relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait omis de dire Insha'Allah, Insha'Allah. Et donc de ce fait, cela dura des jours. Et dans l'histoire, les exégètes plutôt mentionnent 15 jours dans les récits. Donc c'est le récit d'Abd al-Abbas qui relate ce fait-là. Et donc ça dura 15 jours. Ensuite, le prophète sallam reçut la révélation. Jibril, l'ange, Jibril, alayhi salam, que la paix soit sur lui, vint au prophète sallam et lui apporta la révélation. Et donc, cette histoire, si vous voulez la retrouver avec plus de détails, avec sa chaîne de transmission, avec la mention des rapporteurs et plus de détails, vous pouvez la retrouver dans des livres d'exégèse, de Kutub al-Tafasir, dans des livres de tafsir. Et vous voyez que cette histoire, qui est considérée comme sabab al-nuzul, la cause de la révélation de cette sourate. Vous pouvez la retrouver en l'occurrence dans le tafsir de Ibn Jarir, At-Tabari. Elle est mentionnée dans son tafsir, comme vous pouvez la retrouver aussi dans le tafsir d'Ibn Kathir. Et cette histoire aussi, avant Ibn Kathir, est relatée par Mohammed Ibn Ishaq. Par Mohammed Ibn Ishaq. Et donc, concernant l'authenticité de ce récit, ça c'est un grand débat chez les grands savants et les traditionnistes, les spécialistes, c'est un grand débat. Certains le considèrent comme bon, car ils disent lorsqu'ils réunissent les différents récits, ça arrive au degré de bon, donc certains le jugent comme bon, ce récit, donc cette histoire, et d'autres non. D'autres non, donc c'est un sujet de débat. Dans tous les cas, en résumé, vous pouvez retrouver cette histoire qui nous est relatée dans les livres de Tafsir. Comme j'ai dit précédemment, par Ibn Jarir, par Mohammed Ibn Ishaq qui la relate, qui relatait à l'époque, c'est un spécialiste dans le fait de relater les expéditions du prophète et les histoires, la sirah, la biographie du prophète. Et aussi, vous pouvez retrouver cela dans Tafsir Ibn Kathir et d'autres livres d'exégèse du Coran. Et donc, pour continuer. Alors, donc, ces hommes, qui sont les principaux personnages de l'histoire de El-Kef, ces hommes, comme ça nous est relaté dans le Coran, ce sont des jeunes. C'était des jeunes. Donc, des jeunes, comme on va le voir, comme c'est relaté dans les versets. Et ces jeunes, donc, il est dit qu'ils ont fui. Ils ont fui la persécution de leur peuple, du fait que leur peuple s'adonnait à l'adoration de faux dieux et de fausses divinités. Et donc, ils imposaient cela aux autres. Ils imposaient cela aux autres. Et eux, ces jeunes, avaient été guidés. Ils avaient reçu une guidée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils croyaient en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux refusaient de s'adonner à l'adoration de ces fausses divinités, donc à cette adoration païenne. Et il est même dit qu'à leur époque, donc, il y avait un roi tyran. Il y avait un roi qui était tyran, comme relate cela Ibn Kathir dans son exégèse. Et donc ce roi tyran, il est dit qu'il imposait justement aux gens. Il imposait aux gens d'adorer les idoles et donc de participer à leurs cérémonies païennes. Et s'ils ne s'adonnaient pas à l'adoration des idoles, donc ils étaient menacés de châtiment. Ils étaient menacés de châtiment et donc ils avaient deux cas. Soit ils revenaient sur leur religion et donc ils adhéraient au culte des faux dieux et des idoles, soit ils étaient châtiés. Soit ils étaient châtiés, comme ça nous est mentionné dans un verset qui viendra, Inch'Allah, comme Allah nous enseigne cela dans la sourate. Et donc, comme il est dit à l'époque, il y avait un roi tyran, justement, injuste, qui imposait, qui était polythéiste, et qui imposait, qui appelait les gens, justement, à l'adoration de ses idoles et de ses faux dieux. Ces jeunes-là, en l'occurrence, ces jeunes ont refusé cela, et donc ils ont fui. Ils ont fui leur peuple et de là, ils se réfugièrent dans une grotte. De là, ils se réfugièrent dans une grotte, comme c'est relaté. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il débute la sourate. Il débute la sourate. Et dans les premiers versets, on voit qu'Allah jalla nous parle justement des gens de la caverne. En nous disant, avais-tu pensé que les gens de la caverne et de Ar-Raqim constituent une chose étonnante parmi nos signes? Comme il est relaté dans le verset, lorsqu'Allah Jalla dit, Am hasibata anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba? As-tu pensé que les gens de la caverne et de Ar-Raqim constituent une chose étonnante parmi nos signes? C'est-à-dire que ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir comme cette histoire est vraiment étonnante. C'est une histoire vraiment merveilleuse et étonnante, fiha al-ajab, l'ujab, que à l'écoute de cette histoire, la personne est étonnée. Mais Allah jalla wa ala nous dit que par rapport à ses signes et par rapport à son pouvoir, par rapport à ce qu'Allah jalla wa ala est capable, cela n'est rien. Cela n'est rien. Et l'histoire des gens de la caverne n'est rien par rapport à la création d'Allah des cieux et de la terre, par exemple. Des cieux et de la terre. C'est pour cela que Allah Jalla wa Ala dit que cette histoire nous enseigne, malgré que pour nous elle est étonnante, mais ce n'est rien par rapport à tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a le pouvoir de faire, subhanahu wa ta'ala. Comme nous relate cela aussi dans Al-Shaykh Al-Shanqiti, dans son tafsir. Dans son tafsir, lorsqu'il dit An Allah Jalla wa Ala yaqul li nabihi sallallahu alayhi wa sallam inna qissata ashab al-kahf in ista'dhamahuma aw in ista'dhamaha an-nas wa ajibu minha wa laysa shay'an 'ajiban bin-nisbati ila qudratina wa 'azimi sun'ina fa inna khalaqana lis-samawati wal-ard وجعلنا ما على الأرض زينة لها وجعلنا إياها بعد ذلك صعيدا جرزا. Et donc, comme le stipule aussi l'imam Al-Shanqiti dans son explication justement de ces versets, il dit donc Allah Jalla wa Ala, dans ce verset s'adresse au prophète en lui disant, avais-tu pensé que les gens de la caverne et de Ar-Raqim constituent une chose étonnante parmi nos signes, dans le sens que l'histoire des gens de la caverne, même si elle est étonnante, waqad istardamaha annas, et les gens le trouvaient vraiment étonnante, aynaram, et qu'elle est étonnante cette histoire. Mais par rapport au pouvoir et à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qudratullah, comme dit Shir ici dans l'explication, falaysat shay'an 'ajiban bin-nisbati ila qudratina wa 'azimi sun'ina. Wa 'azimi sun'ina. Et cela, en réalité, à côté de la création des cieux et de la terre, n'est que peu. Et donc ensuite, Allah Jalla wa Ala dit, lorsque les jeunes se réfugièrent dans la caverne, puis dire, donc Allah Jalla wa Ala, ici, nous enseigne que c'était des jeunes, donc lorsqu'ils se réfugièrent dans la caverne, puis dire, ils invoquèrent Allah, Seigneur, accorde-nous une miséricorde auprès de toi et aménage-nous de la droiture dans notre conduite. Et là, les savants nous font une annotation par rapport à ce verset. Ils disent, on voit qu'ils demandent, Seigneur, accorde-nous une miséricorde d'auprès de toi. une miséricorde venant de toi. Et on voit que si vous regardez d'autres passages dans le Coran, d'autres versets, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous informe au sujet de prophètes, lorsqu'ils demandaient, ils imploraient Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque Allah accordait la réussite et le secours, et trouvait l'issue favorable pour ces différents prophètes, et regardez ça dans maintes versets, lorsque les prophètes invoquaient Allah et imploraient le secours d'Allah et Allah leur accordait l'issue favorable, Allah Jalla wa Ala nous informe que cela venait de la part d'une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela faisait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, regardez ici dans ce verset aussi, il est dit cela. Donc c'est des choses qu'il faut méditer, c'est des points importants. Seigneur, accorde-nous une miséricorde d'auprès de toi et aménage-nous de la droiture dans notre conduite. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui leur peuple et donc ils étaient persécutés. Et comme on l'a dit précédemment et comme on le verra dans un verset qui viendra, que soit ils adhéraient à l'adoration des faux dieux et des divinités, ils adhéraient à ces cérémonies païennes et à l'idolâtrie, ou bien ils étaient châtiés. Et donc ils devaient revenir de leur religion. Ils devaient rejeter leur affirmation en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc eux, pour ne pas rejeter, pour ne pas revenir sur leur croyance et leur conviction en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ont fui leur peuple. Mais ils demandent qu'Allah jalla wa ala les secours. Et donc, dans cette caverne, de nombreuses années durant. Puis nous les réveillâmes afin de savoir lequel des deux groupes auraient mieux mémorisé la durée de leur séjour. Et regardez, là, on se rend compte dans ces premiers versets, donc au début de la sourate, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous relate cela, donc c'est fait d'une manière générale. Allah Jalla wa Ala nous enseigne et dit que lorsque les jeunes se réfugièrent dans la caverne, puis dirent: Seigneur, accorde-nous une miséricorde auprès de toi et aménage-nous de la droiture dans notre conduite, nous les plongeâmes plutôt alors dans un sommeil dans cette caverne de nombreuses années durant, puis nous les réveillâmes afin de savoir lequel des deux groupes aurait mieux mémorisé la durée de leur séjour. Traduction du sens de ces versets. Et là, donc, on a l'histoire d'une manière générale. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, va nous parler de cette histoire de manière plus détaillée. Il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite dans ces versets, il dit: nous allons te raconter leur histoire avec la vérité. Et là, Allah jalla wa ala va raconter l'histoire. Donc vous avez vu dans les premiers versets, elle est dite d'une manière générale. Ensuite, Allah jalla wa ala dit: nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Nous allons certes maintenant te raconter leur histoire avec la vérité. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Et regardez, Allah Jalla wa Ala ensuite raconte et nous dit: nous allons te raconter leur histoire avec la vérité. Ils étaient des jeunes. Ils étaient des jeunes qui avaient accordé foi en leur Seigneur et que nous avions augmenté en guidance. Donc Allah Jalla wa Ala donc nous dit, c'était des jeunes. Comme il est dit dans les premiers versets précédemment, lorsqu'Allah nous relate d'une manière générale, lorsque les jeunes se réfugièrent dans la caverne. Et dans les premiers versets, observez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Idh awal fityatu ila al-kahf » فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا. Et donc Allah Jalla wa Ala nous dit aussi plus haut donc que c'était des jeunes. Et Allah dit am hasibata dans les premiers versets am hasibata an hasibata an ashab al-kahf والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Donc les gens de la caverne, et aussi on a la mention de الرقيم. الرقيم, qu'est-ce que الرقيم? Donc certains ont dit que الرقيم c'était le nom d'une contrée à l'époque des Romains. C'était le nom d'une contrée, الرقيم, à l'époque des Romains. Certains ont dit que c'est le nom d'Al-Jabal, de la montagne, où se trouve justement la grotte. Donc certains ont dit que c'était le nom d'une vallée aussi, et donc de la vallée où se trouve la grotte. Et d'autres exégètes ont été d'avis que c'est le nom, ça symbolise ici, c'est le nom d'une plaque où il y aurait écrit la mention de cette histoire, les noms les noms justement de ces jeunes. De ces jeunes. Donc ça serait une plaque où il y aurait la mention de fait de cette histoire ou bien les noms de ces jeunes, justement concernant l'histoire des jeunes de la caverne. Donc ça, c'est des avis que vous pouvez retrouver, ces explications, des interprétations que vous pouvez retrouver dans les livres d'exégèse. Et donc, ensuite, Allah Jalla commence à nous enseigner l'histoire d'une manière plus détaillée. Et là, il dit au prophète, sallam, nous allons te raconter justement l'histoire de ces jeunes. Et là, Ibn Kathir fait une très belle... fait une très belle, un très beau commentaire plutôt. Il fait un très beau commentaire en disant que Hauna shara fi bast al-qissa wa sharhiha. Qu'Allah Jalla wa Ala, là, lorsqu'il commence à nous enseigner cette histoire, fadhakara ta'ala annahum fitya wa hum shabab. Allah nous enseigne que c'était des jeunes, wa hum shabab, wa hum aqbal lil haqq wa ahda lis sabil min ash-shuyukh alladhina qad atau wa nghamasu fi din al-batil. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما المشايخ من قريش فعمتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل وهكذا أخبر الله جل وعلا عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا وزدناهم هدى. Et donc là, il fait une très belle annotation, un très beau commentaire, et dit qu'Allah Jalla nous informe que c'était des jeunes. Et il dit, c'est pour cela qu'on voit que les jeunes sont plus enclins, sont plus à même d'accepter justement l'unicité d'Allah et la vérité. Et la vérité. Et c'est pour cela qu'on voit en tout temps que les jeunes sont plus enclins, ils sont plus à même, ils ont plus de facilité à accepter la vérité, à accepter les arguments, à accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on voit que les jeunes cherchent, cherchent. Ils cherchent les arguments. Et lorsque les arguments leur sont présentés, alors ils accordent foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Ibn Kathir, il nous dit, il fait le parallèle, il dit, regardez, à l'époque du prophète, par exemple, on voit que les jeunes ont accordé foi, beaucoup de jeunes accordaient foi au message du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il dit, walihada kana akthar, le plus de gens ensuite qui écoutaient le message du messager d'Allah et accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était des jeunes. Wa amma al-mashayikh, Mehdi wa ammat al-mashayikh, et la majorité des gens les plus âgés, la majorité eux étaient restés sur leur religion qu'ils ont héritée de leurs ancêtres et de leurs pères. Et la majorité sont restés sur cela. Wa lam yuslim minhum illa al-qalil. Et il dit, certains d'entre eux avaient embrassé la religion du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais que très peu. Mais très peu. وَاكَدَ أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ. Et de ce fait, de la même manière, Allah Jalla wa'ala nous informe au sujet des jeunes de la caverne, que c'était des jeunes. Et Allah nous dit à leur sujet, wazidanahum huda. Et Allah dit qu'il leur a rajouté de la guider. فَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَأَمْثَالِهِ وأمثالها غير واحد من الأئمة السلف أو غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن أو كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله أنه يزيد وينقص أن هذا الإيمان يزيد وينقص. Et dans le verset, lorsqu'Allah dit وزدناهم هدى, on leur a rajouté, nous leur rajoutâmes de la guider. Beaucoup de grands imams de notre communauté, parmi les premiers, et parmi l'imam al-Bukhari et autres, ont déduit de ce verset donc qu'on voit bien que c'est une preuve que la foi peut diminuer comme elle peut augmenter. Donc il y a une preuve, les savants, depuis les premières générations des grands imams, comme relate cela Ibn Kathir dans son commentaire, il dit que les savants, depuis, ont déduit de ce verset, que la foi peut s'accroître. Et donc peut diminuer comme elle peut augmenter, comme elle peut augmenter. Yazid, Wayankus. Parce qu'Allah dit dans le verset, Wazidanahum, on leur a rajouté de la guider. Donc elle s'est accrue. Et dans un autre verset, Allah dit, Walladina tadaw, zadahum huda, wa atahum taqwahum. Allah dans un verset nous dit, Walladina tadaw, et ceux qui ont été guidés, zadahum huda. Allah leur a rajouté de la guider, wa atahum taqwahum. Et il leur a apporté et leur a donné taqwahum, leur piété. Traduction approchée du sens du verset dans la sourate Mohammed. Et dans un autre verset, Allah dit: Fa amma alladhina amanu fazadathum imana Wahum yestabeshirun. Et dans un autre verset, Allah nous dit, et ceux qui ont cru, qui ont accordé foi, fazadathum imana, leur foi s'est accrue, a augmenté. Wahum yestabeshirun. Dans Surat At-Tawbah, le verset 124. Et dans un autre verset, Allah dit, liyazdadu imanan ma imanihim. Et on a un autre verset, le verset 4 dans Surat Al-Fath, qui prouve cela aussi, comme relate Ibn Kathir. Donc là, on a appris un grand enseignement tiré de cette histoire, que ces gens, c'était des jeunes. Donc c'était des jeunes qui ont accordé foi à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont cru en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien Allah jalla wa ala leur a rajouté de cela. C'est pour ça que les savants nous enseignent. Et comme on a vu, et ça c'est tiré justement de ces versets qu'on vient de réciter, ces versets que je viens de vous réciter précédemment, les savants tirent de ces versets l'argument, la preuve que lorsqu'une personne cherche la guider, et donc ensuite il est guidé, plus il veut cette guidée, plus il recherche la guidée, plus il est sincère dans cela, et plus Allah Jalla wa'ala lui rajoute de la guidée. Plus la personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala, plus la personne aime cette croyance, plus il se soumet à Allah, plus Allah Jalla wa'ala va lui rajouter de son iman, et plus son iman va s'accroître. Et comme cela. Et à l'inverse, plus la personne a un goût à l'errance, à l'égarement, et cherche l'égarement, et veut l'égarement, plus il sera enfoncé dans son égarement. Et donc c'est pour cela que plus la personne recherche le bien, plus Allah Jalla wa Ala lui facilitera les voies du bien. Et donc ça c'est un grand enseignement à toujours garder à l'esprit. Plus vous allez rechercher le bien, plus vous allez vouloir appliquer ce bien, et plus Allah Jalla wa Ala va vous faciliter ce bien et l'application de ce bien. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite on continue sur la suite des versets. Donc ces jeunes qui avaient cru en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ont décidé de fuir. Ils n'ont pas voulu revenir sur leur croyance et sur l'adoration d'Allah et sur leur croyance en l'unicité d'Allah. Ils n'ont pas voulu revenir sur cela malgré les persécutions. Alors, ils ont fui leur peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors ensuite, nous avions augmenté en guidance ces jeunes-là et nous raffermirent leur cœur lorsqu'ils se levèrent et dirent, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, jamais nous n'invoquerons en dehors de lui une divinité, sans quoi nous dirions une grande injustice. Ces gens-là, notre peuple, ont pris en dehors de lui des divinités. S'ils pouvaient apporter au sujet de celles-ci une preuve évidente. Regardez ces jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ces gens-là ont pris des dieux et des divinités en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme adorés. Mais si seulement ils pouvaient apporter une preuve. Si seulement, لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. Sultanin bayyin, sultan ici c'est la preuve, c'est le hujja, c'est l'argument. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Ils ont dit. Alors si seulement ils pouvaient apporter une preuve. Mais comme vous savez, en tout temps, les gens du polythéisme et ceux qu'adoraient des dieux et des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des faux dieux et des fausses divinités, n'ont pas d'argument. N'ont pas d'argument. Et ces gens disent, mais si seulement ils pouvaient apporter des arguments. Par contre, les gens du Tawhid, ceux qui professent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ont les arguments, comme c'était le cas de tous les prophètes et les messagers. Alors, ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, et donc, quelle est la plus grande injustice si ce n'est d'inventer un mensonge au sujet d'Allah, au sujet du Seigneur? Maintenant que, ensuite dans les versets, il dit une traduction approximative des sens de ces versets qu'on va lire. Maintenant, que vous vous êtes séparés d'eux, ainsi que de ceux qu'ils adorent en dehors de lui. Réfugiez-vous dans la caverne. Donc une fois ensuite qu'ils se sont isolés, ils se sont éloignés, ils se sont écartés, une fois qu'ils les ont quittés, donc ils ont quitté ce peuple-là qui s'adonnait à l'idolâtrie. Alors Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il leur dit réfugiez-vous dans la caverne. Et regardez comme va relater Ibn Kathir, c'est similaire. Regardez, comme lorsqu'on lit la vie du prophète, et on voit que le prophète, lorsqu'il a émigré, au début de l'immigration, le prophète s'est réfugié avec son compagnon Abu Bakr dans la caverne, dans une caverne. Et là, on voit que c'est similaire, d'une manière similaire avec les jeunes de la caverne, qu'Allah Jalla wa Ala a dit « réfugiez-vous dans la caverne ». Donc ça nous rappelle un peu, et comme relate cela Ibn Kathir dans son exégèse, ça nous rappelle aussi le fait, l'événement qui s'est produit à l'époque du prophète lorsqu'il a émigré, au début de l'immigration, lorsqu'il a justement quitté. Le prophète aussi a quitté les polythéistes de la Mecque. Le prophète a fui les persécutions. Le prophète a fui justement les persécutions et les épreuves, les troubles qu'il y avait à l'époque à la Mecque. Et donc il a fui aussi ces gens-là qui s'adonnaient à l'adoration de fausses divinités et de faux dieux. Et donc le prophète s'est écarté d'eux et donc a fait l'immigration. Il les a quittés et donc il s'en alla vers Al-Madina. De même, regardez ces jeunes ensuite, donc, se sont réfugiés, ont quitté leur peuple et se sont réfugiés dans la caverne. Et lorsqu'ils... Alors, Allah Jalla nous dit, votre Seigneur étendra pour vous de sa miséricorde et aménagera pour vous un adoucissement à votre sort. Tu verrais le soleil. Regardez, Allah Jalla, c'est comme si ça s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, tu verrais le soleil lorsqu'il se levait, obliqué à droite de la caverne, et lorsqu'il se couchait, passé à gauche. Tandis qu'il se trouvait dans un espace spacieux de cette caverne. Donc Allah Jalla nous enseigne l'endroit où se trouvaient les jeunes dans la caverne et comment ils ont été préservés justement. Comment ils ont été préservés et comment Allah a fait que ce soleil justement, lorsqu'il se levait, obliquait à droite. Il obliquait à droite de la caverne. Et lorsqu'il se couchait, il passait à gauche. Il passait à gauche. Donc cela, en cela, ils ont été préservés. Ils ont été préservés et ça fait partie des signes d'Allah comme Allah le relate ici. Et de sa part, Ibn Kassir, je vous réfère, Ibn Kassir vraiment détaille cela, ce fait-là. Et il explique ce fait-là. Le fait que le soleil, alors à son lever, obliquait à droite de la caverne et lorsqu'il se couchait, plutôt il passait. Ken Yamil, Yamil, il passait, il obliquait vers la gauche. Tandis qu'il se trouvait dans un espace, eux, les jeunes étaient dans un espace spacieux de la caverne. Donc les savants ont bien détaillé ce point-là, puisque ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah nous relate ensuite dans le verset, il dit, cela fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qu'Allah guide, celui-là est guidé. Et celui qu'Allah égare, tu ne trouveras pas pour lui d'allié le guidant. Traduction du sens de ces versets. Ensuite, Allah Jalla nous dit, et tu les croirais éveillés alors qu'ils étaient endormis. Et lorsqu'ils étaient dans cette situation, Allah Jalla, ensuite, lorsqu'il leur a dit de. Ils ont été commandés de rentrer dans la caverne, lorsqu'ils se sont réfugiés dans la caverne, ensuite, Allah Jalla a fait qu'ils se sont endormis. Ils se sont endormis. Eux, et il est dit qu'ils avaient leur chien aussi, comme ça va être mentionné. Donc, eux et le chien. Pourquoi? Parce que certains spécialistes disent qu'il y avait parmi eux un berger qui avait un chien et que le chien ensuite est venu avec eux. D'autres disent qu'un chien les a suivis. El-Muhim, l'important, c'est qu'il y avait un chien avec eux. Donc, Allah, Jalla, les a fait dormir. Donc, ils étaient endormis. Et Allah dit, et tu les croirais éveillés. Comme il est dit, leurs yeux bougeaient. Parfois, leurs yeux étaient ouverts. Et si une personne viendrait, il aurait été effrayé. Il leur a été effrayé. Et ça les a protégés qu'une personne puisse rentrer, s'approcher. Et donc, si une personne les voyait, alors il aurait été effrayé du fait que ils semblaient éveillés, avec les yeux ouverts, mais en réalité, ils étaient plongés dans un profond sommeil de la part d'Allah, un profond sommeil dont Allah Jalla les a plongés dans ce sommeil-là. Alors Allah nous dit, nous les retournions sur le côté droit et sur le côté gauche. Nous on explique d'une manière très très très résumée, mais ces versets-là, il faut s'y pencher, il faut les méditer. Regardez, Allah Jalla dit, nous les retournions sur le côté droit et sur le côté gauche. Certains spécialistes disent même, à ce moment-là, ceux qui se connaissent un peu en médecine, que lorsque le corps, la peau, d'un individu, si elle reste trop en contact avec le sol, alors ensuite cette peau-là va mourir. Cette peau-là va mourir. C'est pour ça que les gens, par exemple, qui sont hospitalisés, qui sont malades, qui sont, par exemple, paralysés, alors les médecins, à chaque fois, les tournent, retournent ces malades et ces patients. Pourquoi? Pour pas qu'ils restent toujours sur le même côté. Pourquoi? Parce qu'ensuite, ça occasionne des maladies et aussi la mort de la peau. La mort de la peau. Et pour cela, regardez, quelque chose à méditer. Allah Jalla nous dit, et nous les retournions sur le côté droit et sur le côté gauche. Leur chien était les pattes allongées à l'entrée. Et leur chien, lui, il était à l'entrée. Et si tu les avais regardés dans cet état, tu les aurais fui. Regardez, il y avait celui qui les voyait dans cet état, ça aurait occasionné une sorte de frayeur, une sorte de frayeur. Tout intimidé par leur apparence. Tout intimidé par leur apparence. Donc regardez, Allah Jalla s'adresse au prophète en lui disant, si tu les avais regardés dans cet état, tu les aurais fui, tout intimidé par leur apparence. Ainsi, Allah Jalla nous dit ensuite, une traduction du sens, et ainsi nous les réveillâmes. Nous, pour qu'ils s'interrogent mutuellement. L'un d'eux dit, combien de temps êtes-vous demeuré? D'autres dirent, nous y sommes restés un jour ou une partie d'un jour. Les uns dirent, Allah sait mieux combien de temps vous êtes restés. Donc ensuite, lorsqu'ils se réveillèrent de ce profond sommeil, eux n'ont pas remarqué qu'ils sont restés très très longtemps en sommeil. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils ont commencé à s'interroger, mais combien de temps on a dormi? Eux, ils se sont réfugiés dans la grotte, ils ont fui les persécutions de leur peuple polythéiste, et ensuite ils se sont endormis. Pour eux, alors, certains ont dit une journée, d'autres ont dit non, une partie de la journée. Ensuite, ils ont dit Allahu A'lam. Dans tous les cas, Allah est plus connaisseur, combien de temps on a dormi. Et là, alors ensuite, ils se sont dit, comme il est relaté dans le verset, dans le sens, « Envoyez donc l'un d'entre vous à la cité, avec l'argent que voici, qu'il recherche l'aliment le plus dur et qu'il vous en apporte de quoi vous servir, de substance. Et qu'ils agissent avec tact et qu'ils ne fassent sentir à personne votre présence. S'ils vous découvrent, ils vous lapideront, à moins de vous ramener dans leur religion. Et vous ne parviendrez alors jamais au succès. » Donc regardez, ensuite, Allah Jalla wa'ala nous relate dans ces versets, lorsqu'ils ensuite se réveillèrent, donc lorsqu'ils ont commencé à débattre en quelque sorte de combien de temps ils sont restés dans ce sommeil, ils ont été pris dans le sommeil, comme on l'a dit, certains ont dit une journée, d'autres ont dit une partie de la journée. Ensuite, alors ils ont décidé que l'un d'entre eux, comme c'est relaté dans Tafsir aussi, comme le verset nous le relate et comme c'est expliqué dans les livres de Tafsir, dans le commentaire de ces versets, et comme le relate Ibn Kathir, donc ensuite, l'un d'entre eux prit de l'argent pour aller acheter des mets, des aliments. Des aliments. Et donc, le but, c'était d'y aller discrètement pour pas qu'ils se fassent apercevoir. Et pour pas qu'ensuite, les gens savent qu'ils se sont réfugiés dans la grotte, dans la caverne. Donc le but, c'était que celui qui allait prendre de l'argent pour aller en ville, qu'il achète des meds, des aliments discrètement et qu'il revienne discrètement sans qu'il se fasse apercevoir. Donc avec toute discrétion. Et là, il est rapporté dans l'exégèse, justement de ces versets. Alors ensuite, l'un d'entre eux descendit justement en ville et acheta des provisions avec l'argent qu'il avait. Sauf que cet argent, en réalité, du fait qu'ils sont restés longtemps endormis, en réalité, eux ne le savent pas, mais ils sont restés comme cela, des générations et des générations sont passées. Des générations sont passées. Comme il est dit dans les versets qui viendront ensuite, 300 ans et 9 ans. 300 ans et 9 ans. Et ensuite, Allah dit, mais Allah est plus savant. Mais Allah est plus savant. Donc ils sont restés endormis des générations et eux ne le savent pas. Donc il est dit qu'ensuite, avec leur argent, qui datait de l'ancien roi de l'époque, il est dit, Ibn Kathir relate, et d'autres exégètes aussi, relate que lorsque il se rendit chez le commerçant, et donc il présenta son argent, alors le commerçant étonné de ce, c'était une sorte de vestige cet argent, une sorte de trésor qui datait de temps ancien. Et donc il est rapporté dans le commentaire, certains historiens rapportent que, alors il s'étonnait, il dit, mais où as-tu eu cela? Et là, le jeune ne comprenait pas. Il dit, je fais partie de ce peuple. Je fais partie de ce peuple et de l'époque de ce roi. Et là, les gens se réunissèrent autour de lui. Ils se sont réunis autour de lui, étonnés de cette histoire. Donc certains même l'ont pris pour un fou, alors qu'il avait cet argent qui datait d'un ancien roi, pour eux des générations étaient passées, et que lui dit qu'il a vécu à l'époque justement de ce roi. Et à savoir que, comme il nous a relaté, lorsque les jeunes de la caverne vont se réveiller des générations après, il est dit que les gens ont adhéré au monothéisme, ce sont des croyants. Il est dit que ce sont des croyants et que le roi de cette époque, c'est un roi croyant et qui adhère au monothéisme et qui adhère et qui affirme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors eux, avant qu'ils soient endormis, quand ils se sont réfugiés dans la caverne, ils ont quitté un peuple polythéiste, ils se réveillent et là le peuple de la même cité, de la même contrée, eux par contre, comme il nous est relaté dans Tafsir, ce sont des gens croyants. Des gens croyants. Et de là, ensuite, il est rapporté, Ibn Kathir dit que certains relatent qu'ils ont rapporté le jeûne auprès du roi. Et ensuite, étonné par cette histoire, stupéfait par cette histoire, alors ils lui demandèrent de le ramener vers cette caverne, vers cette grotte, comme cela est relaté par certains historiens. Alors il est dit qu'ensuite, ils vinrent à la grotte et lui demanda de rentrer d'abord. De rentrer d'abord pour prévenir ses compagnons, pour prévenir ses compagnons. Et là, il nous est relaté, certains relatent qu'ensuite, lorsque eux ont vu ce miracle-là, alors ensuite, lorsqu'il est rentré dans la grotte, ensuite Allah reprit la vie des occupants de la grotte, de ces jeunes. Et donc, ils moururent. Ils moururent. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a laissés comme signes. Les a laissés comme signes. Certains historiens, certains exégètes rapportent que à l'époque, les gens reniaient la résurrection et ne croyaient pas en la résurrection, que les gens seront ressuscités. Ils ne croyaient pas à cela, ils réfutaient cela, ils niaient la résurrection. Et c'est pour ça que beaucoup de savants stipulent que ça, Allah Jalla wa Ala, leur a envoyé ce signe-là pour leur faire montrer que les gens peuvent être ressuscités et que cela est aisé et facile pour Allah de ressusciter les gens. Donc ensuite, Ibn Kathir a détaillé cela. Donc des historiens ont dit que d'abord, eux, ils sont rentrés. Ensuite, certains historiens disent que d'abord, le jeune est rentré, a vu ses compagnons, et ensuite, ils décédèrent. Certains disent que d'abord, le roi, sont rentrés à discuter avec les jeunes, et ensuite, Allah Jalla wa'ala reprendra leur vie. Donc ensuite, ils sont restés comme des signes pour les gens. Donc, différentes hypothèses ont été émises. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été, Allah les a éveillés de leur sommeil après très longtemps, une longue période, et ensuite lorsqu'ils se réveillent, donc c'est un autre peuple, c'est d'autres gens. Et donc ces gens de la caverne deviendront, ces jeunes, des signes et une leçon pour les gens doués de raison et d'intelligence. Allah Jalla wa Ala nous dit ensuite dans les versets, Subhanahu wa ta'ala, traduction rapprochée, alors, ainsi fîmes-nous les découvrir, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a pas de doute dans la résurrection. Vous avez vu? Et ce verset confirme ce qu'on vient de relater, que Allah Jalla wa'ala a fait qu'ils les ont découverts. Donc que les gens de cette époque les ont découverts, comme Allah dit, et ainsi fîmes-nous les découvrir. Pourquoi? Afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a pas de doute sur la résurrection. Sur la résurrection. Pour ça, beaucoup de savants ont dit qu'à l'époque, les gens reniaient la résurrection. Ils reniaient la résurrection et là, c'est un signe sur la véracité de cette résurrection. Lorsqu'ils divergeaient entre eux, les uns dirent alors, bâtissez sur eux une maçonnerie, de manière que leur Seigneur soit seul plus au courant d'eux. Plus au courant d'eux. Donc ensuite, ceux dont la vie l'emporta dirent, nous ferons assurément un lieu de prière sur eux. Nous ferons assurément un lieu de prière sur eux. C'est-à-dire qu'ensuite que les gens ont divergé et ils voulaient édifier une bâtisse. Parce que pour eux ensuite, c'était un miracle. Pour eux, c'était un signe. Ces gens-là étaient un signe. Donc ensuite, les gens voulaient édifier. Une bâtisse. Alors soit ça serait une bâtisse à leur effigie, soit au-dessus de cette grotte, mais en tout cas, ils voulaient ensuite bâtir, jusqu'à ce que certains d'entre eux, ont dit, nous ferons assurément un lieu de prière, masjida. Nous allons bâtir une sorte de mosquée, masjida. Comme il est dit, قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Masjida. Et donc, certains d'entre eux, qui l'avaient emporté dans le débat, ils ont dit, nous allons faire assurément un lieu de prière à cet endroit. Parce que pour eux, tellement que c'était un signe. Et regardez, avant que Dissar la Jalla wa'ala nous dit, faqalu bunu alayhim buniana. C'est pour ça, lorsqu'ils ont vu ce signe, ils ont dit, il faut édifier quelque chose au-dessus. Soit de leur tombe. Rabbuhum a'lamu bihim. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Et donc, certains savants ensuite ont dit, donc, lorsqu'ils ont vu ce signe, les gens ont divergé. Les gens ont divergé. Et ceux qu'on dit, nous allons bâtir sur eux un lieu de prière, certains exégètes ont dit, ça, c'était les égarés parmi eux. C'était ceux qui étaient dans le faux et les égarés parmi eux qu'on dit cela. Ensuite, Allah Jalla wa Ala nous dit, après qu'il les fîmes découvrir, Allah Jalla wa Ala nous dit dans une traduction du sens du verset, et ils vont dire, ils étaient trois plus un chien, ou ils vont dire, ils étaient cinq plus un chien. Cela était des conjectures à propos de ce qui n'est pas connu. Et ils vont dire, ils étaient sept plus un chien. Dis, Allah s'adresse au prophète, dis-leur, mon Seigneur connaît mieux le nombre, il en est que peu qui le connaissent. Que peu qui le connaissent. Ne discute à leur sujet que d'une discussion sommaire et ne consulte à leur sujet aucun d'eux. Aucun d'eux. Et là, regardez, Allah Jalla wa Ala nous dit que ensuite les gens vont débattre. Et il dit au prophète, ensemble, que les gens débattront. Ils te diront qu'ils étaient trois. les jeunes de la caverne, que ces gens, ils étaient trois, plus un chien. Donc là, c'est au sujet du nombre, combien ils étaient. Donc Allah nous dit, et il dit au prophète, les gens débattront et te diront qu'ils étaient trois, plus un chien. Et d'autres te diront qu'ils étaient cinq, plus un chien. Ce sont que des conjectures, Allah Jalla wa Ala nous dit. En réalité, cela n'est pas connu. Et ils vont dire, ils étaient sept aussi, plus un chien. Mais dis-leur, dis, mon Seigneur connaît mieux le nombre. Donc Allah Jalla wa Ala connaît mieux le nombre. Combien ils étaient, les jeunes de la caverne? Est-ce qu'ils étaient trois, plus un chien? Est-ce qu'ils étaient cinq, plus un chien? Ou bien est-ce qu'ils étaient sept, plus un chien? Dans le verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, en réalité, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il dit au prophète de dire cela, mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Et il n'en est que très peu qui le connaissent. Et Abdallah ibn Abbas, le célèbre spécialiste dans le commentaire, Abdallah ibn Abbas, lui, il dit, par rapport à ce verset, dans l'explication, il dit, regardez, Allah dit, il n'y en est que très peu qui connaissent le nombre exact. Et lui, Abdallah ibn Abbas, il dit, moi, je fais partie de ce peu. Moi, je fais partie de ce peu. De ce peu de gens qui ont la connaissance du nombre. Et lui, Abdallah ibn Abbas, a stipulé qu'ils étaient sept plus un chien. Ça faisait huit. Ils étaient sept, plus un chien. Lui, Abdallah ibn Abbas, a stipulé qu'il faisait partie de ce peu, puisqu'Allah, Jalla wa Ala, a dit, et que très peu en ont la connaissance. Wallahu tabaraka wa ta'ala, ou al-a'lam. Et ça, c'est relaté dans le tafsir d'Ibn Kathir aussi. Et Allah, ensuite, dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ne dit jamais à propos d'une chose, je ferai cela demain, sans ajouter, incha'Allah. Sans ajouter, incha'Allah. Et si tu as oublié d'ajouter cela, entre parenthèses, invoque donc ton Seigneur. Invoque donc ton Seigneur et dis, j'espère que mon Seigneur me guidera vers ce qui est plus proche que cela en droiture. Et ils demeurèrent, Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite nous dit, la traduction du sens, et ils demeurèrent dans la caverne 300 ans, à quoi s'ajoutèrent 9. 300 ans, à quoi s'ajoutèrent 9. Dit Allah connaît mieux combien ils demeurèrent, à lui appartient ce qui est caché dans les cieux et la terre, comme il est voyant et audient, traduction relative et rapprochée du sens des versets, ils n'ont aucun allié à part lui et n'associent personne dans son commandement. Voilà, ça c'est une traduction approximative et rapprochée des versets relattant l'histoire des jeunes de la grotte. Donc vous avez vu à la fin, Allah Jalla wa Ala nous enseigne, et il dit ils demeurèrent dans la caverne 300 ans. À quoi s'ajoutèrent 9, 309. Mais Allah Jalla wa Ala dit, Allah connaît mieux combien ils demeureront, ou combien ils demeurèrent dans cette caverne. Vous avez vu, c'est une histoire qui est formidable, une histoire exceptionnelle. Des gens qui ont fui leur peuple pour cause des persécutions. Donc on voit que ça date des temps anciens. Et donc ça fait partie de l'histoire de l'homme. Les gens qui professaient, croyant en l'unicité d'Allah, regardez, ils étaient persécutés. Comme c'est l'histoire des prophètes, comme c'est l'histoire des envoyés, regardez ces jeunes aussi. Ces jeunes qui adhéraient, qui professaient, qui croyaient en l'unicité d'Allah, regardez, ils étaient persécutés. Et comme eux, ils le disaient, mais comme ça nous est relaté à leur sujet dans le verset, c'était soit alors ils suivaient leur peuple dans leur ignorance et dans leur égarement et dans leur culte des faux dieux et des fausses idoles, ou soit donc, de ce fait, ils devaient revenir sur leur religion et ne plus croire en l'unicité de leur Seigneur, renier leur religion tout simplement, ou bien ils étaient persécutés, ils étaient châtiés. Ils étaient châtiés, donc ils ont fui. Et on voit que c'est l'histoire qui se répète. On voit que c'est les hommes, c'est des peuples qui imposent leur idolâtrie, des peuples qui imposent leur conviction, des peuples qui imposent leur égarement aux gens qui sont guidés. Et donc l'histoire se répète. C'est pour ça que c'est une merveilleuse histoire. On essaiera, inshallah, bihaulillahi jalla wa'ala, de continuer dans une prochaine assise. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.